café. Vite biscuit, il faut le récompenser. Pitou s'invente les bastards, connaît tout l'échappement préféré des matantes. Sa voix fait de lui un animal à part. Son public jouit chaque fois qu'il le chante. Regarde-le bouger, tout pétillant. Un juge nous a même confié, il ne sera jamais éliminé. Oh yeah! Pitou s'invente les bastards, connaît tout l'échappement préféré des matantes. Sa voix fait de lui un animal à part. Son public jouit chaque fois qu'il le chante. C'est émouvant, même si c'est un peu simple. Pour propulser sa carrière, il serait prêt à vendre sa main.